pourra me croiser sous la lune. La tête faite de rouille, penseras-tu que je déraille? Il n'en est rien car je dérouille depuis que tu as rejoint la foule. Je n'ai plus rien d'unique, tes chevilles disparaissent au milieu de mille tuniques. Reviendras-tu frapper la porte, les phalanges usées par le remords? Moi, je t'embarquerai dans ma remorque. On ne s'arrêtera plus d'en finir, de discuter de l'infini et d'obéir comme ceci, ne pensant pas vivre comme cela. L'enfant rouille, ennoyauté dans sa noire tunique, a changé tous les plans, usé les mêmes répliques aux réverbères incrédules sur les trottoirs qui tirent la grimace, les pavés me repoussent. Et je limace au détour des rues qui ont la grippe. Je me prélasse sur ces quelques mètres carrés de verdure où des milliers de brins d'herbe forment ce tapis à carreaux. Tu peux toujours hurler l'enfant, ici personne ne t'entend. Personne ne t'entend. Personne ne m'entend. Personne ne m'entend. Tu pourras me croiser sous la lune, la plume en bandoulière. Je saluerai ceux qu'on écarte, que l'on revêt d'une muselière. Tu penseras saisir ma personne. L'erreur est douloureuse, sous tes yeux le fond prend sur la forme. Là où les cheminées recrachent de l'or tout dégueulasse, la fumée noire épaisse comme de la gouache sur la tête de ces étoiles qui font la gueule. Moi je saute dans les flaques, dans les flaques de goudron, dans les flaques de goudron. Les dernières lueurs illumineront ce visage sans couleur, blafard et le teint du petit corps éteint, immaculé dans un épais brouillard. Les rayons viendront fendre telle une épée, la texture grise de son état. Ferme les crins, quelques écailles de nuages transparents déforment l'horizon et son calme apparent. Je suis cet enfant rouille à ce qu'il paraît. Je suis cet enfant rouille, évidemment. Évidemment.